Les grands lévriers pour Jim. Les grands lévriers vont sur le ciel clair, les grands lévriers, lévriers de l'air. Enjambent les fleurs, courent les saisons, les grands lévriers fuient à l'horizon. S'en vont deux par deux, s'en vont trois par trois, les grands lévriers des chemins de croix. À travers les monts, à travers les plaines, les grands lévriers vont à perdre haleine. Et loin du mirage des blancs coteaux, les grands lévriers nagent sur les eaux. Les lévriers font si grande vitesse, les grands lévriers des grandes détresses, qu'ils ont dépassé la breuvante source. Les grands lévriers sont à bout de course. Sur le sol poudreux dans le blanc matin, les grands lévriers sont morts dans ma main. Sont morts deux par deux, sont morts trois par trois, comme Jésus-Christ, les deux bras en croix. Les deux bras en croix et la gorge ouverte, ils ont dépouillé leur tunique verte. Et seuls, sans espoir ni déguisement, s'en sont morts de soif et d'épuisement. Au croisement bleu des calmantes routes, sans un seul instant d'angoisse ou de doute, ah, qu'ils étaient beaux dans le grand soleil, les grands lévriers de mon grand réveil. À l'extrémité de la boule ronde, ils croyaient pouvoir conquérir le monde. Mais plus, jamais plus, je ne reverrai les grands lévriers. Ah, j'ai trop pleuré, ah, j'ai trop pleuré les chimères mortes, les nuages noirs ont fermé ma porte. Quel es-tu, bel ange, en manteau d'hiver? Je suis le miracle, et mes pieds sont verts. Plus légers que ceux des grands lévriers, je cours le gazon frais de février. L'herbe tendre et l'air si fragile encore, que mes blancs souliers sont tout mouillés d'or, et que le rayon bleu qui m'accompagne fait poindre le jour au flanc des montagnes. Je garde dans mon cœur un rameau fleuri de tous les printemps qui n'ont pas souri, de tous les printemps d'aurore légère qui n'ont su fleurir un instant sur terre. Je renais au bord de toute souffrance. Ne me connais-tu? Je suis l'espérance.